20h-22h. C'est un peu comme un repas en famille. Il y a de la musique et de la nourriture. Il y a un oncle un peu bourré. Et bonne année. Qu'on essaye d'éviter. Bonne Saint-Valentin. Et il y a un gars un peu lourd. Oui, enfin ça, c'est tellement grossier comme affirmation. Il y a une personne âgée jamais contente. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Et il y a celui que tout le monde connaît, mais on ne sait pas pourquoi. C'est Jadoul, tous les samedis, de 20h à 22h, sur Hilar FM. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre première émission du samedi soir. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, nous, on est complètement déchaînés. On va vous faire vivre une grande émission ce soir. Dans l'équipe qui compose cette émission, nous avons Kylian Welfring. Hey, bonjour à tous. Comment ça va? Ah bah ça va très bien, surtout que je sais que cette émission va être du lourd, mais du très très lourd. D'accord, alors je vous signale qu'aujourd'hui, je vais faire une pétition. Rien à faire. Je la lance aujourd'hui. Une pétition pour qu'on nous achète un distributeur de casque correct. Et de boissons à placer vraiment dans le studio, quoi. Bon, peut-être les boissons, on va voir plus tard. Mais en attendant, les casques, la priorité. Parce que quand j'ai une oreille qui se bouche pendant que je parle, c'est assez compliqué. Donc c'est vraiment une des choses à revoir dans cette émission. Même Kylian a le même problème dans son casque. Oui, j'ai un problème. Non, j'ai pas un problème moi, mais avec le casque aussi. Oh, un peu des deux. Bon, en tout cas, voilà. Vous connaissez maintenant tous les petits problèmes que l'on peut avoir dans cette émission. Et en tout cas, ce qui ne va pas nous poser problème, c'est de vous proposer une tonne, mais quand je dis une tonne, c'est vraiment qu'on a bossé énormément pour vous aujourd'hui, d'actualité insolite qui va arriver d'ici quelques instants. Le numéro de téléphone, Kylian? Le plus 32 49 9 15 60 et 15. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce numéro-là? Eh ben rien, c'est ça le problème. Après les urgences. Non, vous pouvez nous contacter donc pour participer lorsque nous jouons. Vous pouvez gagner des cadeaux qu'il y a ici près de nous, comme des albums de toutes sortes, voilà. Un tas de trucs que l'on a trouvé dans la rue et dans les poubelles. Exactement. Non, en fait, voilà, on vous propose chaque semaine des cadeaux. Et quand ils ne partent pas, évidemment, on les déstocke la semaine suivante. Et comme ça fait au moins 2 semaines qu'on n'a rien fait gagner aux auditeurs, ce sera l'occasion qu'on fasse un jeu 100% gagnant avec la cassette de Jadoul. Tiens, on va la faire cette semaine. Oui, on va la faire, oui. Voilà. D'accord, ok. On va vous faire ça dans quelques instants. Mais avant, on va s'écouter un petit titre. Ta semaine, sinon, Kylian, ça a été Superbe. Bon, sauf aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il fait pas très très bon dehors. Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu particulier. On a même eu une coupure de courant ici à l'RFM tout à l'heure. Donc ça, c'était un petit peu compliqué de gérer ça en même temps. Mais bon, le plus important, c'est qu'on est là avec vous en direct ce soir. Vous avez choisi la plus grande émission qui est là sur l'RFM, évidemment. C'est Jadoul avec Toto Africa. C'est le nom de la musique qu'on s'écoute tout de suite en direct. Jadoul, 20h-22h sur Hilar FM. Vous êtes toujours dans votre émission du 20h-22h qui est là comme chaque semaine depuis septembre. Et d'ailleurs, avec Kylian à la production, on a réécouté quelques moments de l'émission depuis le début. Donc des petits extraits, des canulars, des choses qu'on a fait dans cette émission. Et on s'est bien marré. Oui, j'ai bien ri. Oui, alors ça va. Oui, évidemment, dans quelques instants, on va vous faire la fameuse cassette de Jadoul. On va vous faire passer un petit extrait que vous allez devoir deviner sans Shazam, évidemment. De toute façon, si vous essayez de Shazamer, vous ne trouverez pas, étant donné qu'on a déformé le titre d'une manière assez puissante, donc vous ne pourrez pas le détecter automatiquement, même avec Siri. Tiens, en parlant de Siri, ça te dirait de faire une petite news de la semaine? Une petite news de la semaine, pourquoi pas. Alors c'est parti, on y va. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et ça se passe en Grande-Bretagne. Le premier mot d'un bébé a surpris toute sa famille, mais je te laisse deviner quel a été ce premier mot. Jadoul. Non, c'est dommage. Ah mince. Du coup, je suppose que c'est Shazam. Non, du tout. iPhone. Non. Ah. Je ne sais pas. C'est un bébé, il s'appelle Joe. Il a découvert... En plastique? Quelque chose. Il a découvert en plastique? Pourquoi? Il a découvert, alors je dis en plastique. Ah oui, d'accord. Au niveau de l'humour, l'émission n'a pas encore commencé. En fait, le premier mot qu'il a prononcé, c'est celui de l'haut-parleur intelligent de Amazon. C'est Alexia. Alexa. Alexa. Donc, le petit, au lieu de dire papa ou maman, il a dit Alexa. C'est peut-être sa copine, hein, qui sait. Bon, cet âge-là, je pense pas. Voilà, ça a été son premier mot. Donc, la maman raconte qu'Alexa était l'une des choses rares des à laquelle. Copines à son père. Était l'une des choses rares à laquelle Joe aimait interagir à ce moment-là. L'enfant a plusieurs reprises tenté de communiquer avec l'assistante virtuelle d'Amazon qui répond toujours « Désolé, je n'ai pas compris ». Mais à force de persévérance, le petit bout de chou est parvenu à se faire comprendre et à prononcer distinctement « Alexa », ce qui a été donc son premier mot. Bravo à lui et... Et ben, il commence bien la vie. Hein, comme je dis, c'est là que ça se trouve, la mère remarque que c'était une des copines à son père. Ouais. Alexa. Ben, c'est qui mon petit? Mais c'est la copine de papa. Ouais. Puis le père fait chut, chut, chut, ne dis rien. Chut, t'as rien entendu, d'accord, gamin? Non, mais il écoute Claude François, c'est Alexandrie, Alexandra, pas Alexa, il s'est trompé. C'est voilà, tout. C'est ça, bien sûr. N'importe quoi. La prochaine fois, ses parents vont lui dire « Écoute, gamin, la prochaine fois... » Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein. Déjà que tu sais dire Alexa, alors tu peux dire ça. J'imagine bien la scène. Donc voilà, si vous aussi, vous avez déjà été témoin d'une chose pareille, bah contactez-nous, plus 32 49 9 15 75. Et donc la maman, qui s'appelle Marcia Kynes, a publié ça sur Facebook. Elle était complètement choquée. Donc voilà, on la laisse dans son caca. Voilà, on va dire ça comme ça, avec son bébé âgé de 18 mois aujourd'hui. Comme ça, c'est dit. On passe à la suite. On passe à la suite. En Lot-et-Garonne, elle surprend un homme nu chez elle. Empoignant son chien. C'est complètement dingue. En fait, une femme a surpris un inconnu vêtu seulement d'un t-shirt dans son garage qui tenait son chien par la gorge. Il s'agissait en fait de l'ancien amant de son mari. Hein? Ancien amant de son mari. Oui, pourquoi pas. Ouh, c'est un peu plus flippant ça. qui prenait la fuite à son arrivée. Donc, ah oui, d'accord. Donc, elle surprend l'ancien amant de son amant. Oh là là. Oh là là. Donc compliqué, oui, le mari a fait des petites reconversions là. ouais, c'est un petit peu particulier. Même les policiers, quand on leur a dit ça, ils ont fait ça. Voilà. Alors, les apparences peuvent être trompeuses. Une femme a surpris en rentrant chez elle, dans le Lot-et-Garonne, un inconnu à moitié nu qui tenait son chien par la gorge, comme le rapporte le journal Sud-Ouest, qui a réussi à prendre la fuite. Aujourd'hui, c'est dur, hein. Mais aujourd'hui, mais c'est oui, dur. Déjà moi, c'est l'ambiance. Est-ce que tu peux nous faire un petit point météo, Kylian? Alors, après ça, il fait vraiment très mauvais. Ouais, il y a un début d'orage et la lourdeur du temps déteint sur notre diction. Et avec un peu de chance, vu qu'on fait de la radio, on risque de se prendre un coup de drill. Voilà, c'est ça. Un coup de foudre, évidemment, pour ceux qui ne parlent pas le patois. tu dis ça en dehors de la province, il n'y a personne qui comprend. C'est vrai? Bah oui. Ah bon, j'ai cru que c'était connu par tout le monde. Ah non, non, non. Un coup de drill, bah ok. Non. voilà, c'était une petite histoire amusante. Je pense qu'on va passer à la suite car elle commence à me saouler. Alors je vous le dis, quand je commence à bafouiller, après je commence à m'énerver, ça fait. Donc on va s'en tenir à là. C'est déjà bien. On va passer à la suite dans quelques instants parce que ça m'a saoulé. On va revenir aux actus dans quelques instants. Mais d'abord, si vous le voulez bien, nous allons faire un petit jeu des 5 mots. Mais encore avant, voici la cassette de Jadoul. Nouvelle séquence rien que pour vous en exclusivité sur Ilar FM. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Dans la cassette de Jadoul, je vous propose d'écouter un extrait que vous allez tenter de reconnaître. Oula. On peut écouter le premier extrait de cette cassette de Jadoul. Voilà, l'extrait est terminé. Avez-vous deviné le morceau qu'on vient d'entendre? Kylian, comment est-ce qu'on fait pour nous dire la réponse? On envoie Jadoul au... Plus 32 49 9 15 75 et nous avons quelqu'un qui va vous répondre. C'est certainement moi. Voilà. Non, il est standardiste et c'est, mais en même temps, donc du coup, ça fait... Voilà, et vous contactez à ce numéro-là. Et celui qui répondra, ce sera certainement moi. Évidemment. En tout cas, voilà, vous êtes dans votre rendez-vous qui est là, qui ne vous lâche pas, 20h15. Vous avez eu le premier indice de cette cassette de Jadoul. J'espère que vous allez deviner rapidement, car on compte sur vous là-dessus. C'est pas très compliqué, je pense. Et Et on s'en fout. Hop, on passe au suivant. Non, non, on n'est pas dans le 19h-20h ici. Hein. Hey, non, et qu'est-ce que t'as fait avant avec tes documents là, hein, tes infos? Mes infos, bah, j'ai bafouillé, oui, j'ai grillé complètement une info tellement. Mais c'est parce que j'ai souligné dans le texte ce que je devais dire et au final, j'ai pas lu ce que j'ai souligné. Donc voilà, j'ai pris un risque et ça a pas été bénéfique pour moi. Donc ce que je vous propose, c'est que tout va être en nous. All in you. Comme ça, tout ça. Est en vous maintenant avec Synapson qu'on s'écoute tout de suite sur Ilar FM. Au niveau des lancements des titres, on est bon là. Hein. Jadoul, 20h-22h sur Ilar FM. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Si vous découvrez l'émission, je m'appelle Jadoul. Nous sommes en direct depuis maintenant presque un an sur cette antenne. Enchanté si vous nous découvrez. Et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux possibles. Par exemple Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Ou encore les sites de rencontres. Les sites de rencontres, bien sûr. Et également Kylian qui est là avec nous dans notre équipe. D'ailleurs, on va raconter une petite anecdote. On était avec Kylian dans la rue. Et devant lui marchait, y a rien de mal, hein, trois personnes de couleur noire. Et là, il me dit, pensant le dire discrètement, « Oh, en face, c'est Jackson 5 !» Sauf qu'il y en a un d'eux qui s'est retourné, qui a lancé un regard meurtrier à Kylian. Je peux vous dire qu'on ne savait pas où se mettre. Mais attention, t'as surenchéri, hein. Oui, je ne me souviens plus, mais j'ai dit quoi en surenchérissant? Attends, je sais plus ce que t'as lancé un truc et mais on était juste à côté en plus au moment où t'as lancé ça, c'était pas mieux non. Ah, d'accord, ok, très bien. En tout cas voilà, ça c'est fait, mais on vous racontera encore des petites anecdotes dans quelques instants, toujours dans cette émission. Surtout que je peux vous dire qu'il y a du lourd. Vu le temps d'aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Aussi, voilà, pour ceux qui sont dans la région, ils peuvent comprendre ce que l'on ressent. Oui, des orages violents sont à prévoir dans beaucoup de régions. Catherine Laborne, là, qui est à côté de moi, nous fera quelques actus à ce niveau-là pour pouvoir nous dire quels départements et quelles provinces sont touchés par ces forts orages qui devraient arriver d'ici la fin de la soirée ou demain, mais ça va être très violent. Ce que je vous propose de faire, c'est pas une news de la semaine, c'est plutôt la question de la semaine, comme ça on va un petit peu varier les plaisirs. Est-ce que ça te tente, Kylian? Eh ben moi ça me tente, j'espère que vous aussi, chers auditeurs, ça vous tente. Ah voilà, ça va. Et si ça vous tente pas, allez au camping. Voilà, la première vanne pourrie de ma part est faite maintenant, donc ça c'est fait, c'est réglé, on a amorcé la chose, hein. Comme ça c'est fait, on ne se tracasse pas pour la suite de cette émission. Voici la question de la semaine. La question de la semaine. Voilà, alors la question de la semaine, c'est bien simple, je vais vous la poser. Si vous êtes stressé, quel est le moyen de se détendre en quelques secondes? C'est le nouveau moyen de détente qui est à la mode. Kylian, une idée? Passer à la radio sur Ilar FM dans l'émission Jadoul. Oui, ça c'est évidemment un moment de détente, mais voilà, c'est gentil, merci Kylian. Merci. Alors, la deuxième solution, c'est de se balader à pieds nus et être tranquillement posé dans un canapé, sans stress, sans problème. Voilà, et normalement, une fois que vous faites tout ça, vous faites... Parce que vous êtes devenu complètement taré. Non, allez, est-ce que t'as pas une idée? Non, bah personnellement, je dis, moi, c'est la radio qui m'aide, entre guillemets, à canaliser mon stress. Donc, du moins, quand tu parles devant un public, c'est vrai que... C'est stressant, du coup moi ici le fait de parler à la radio ça m'a légèrement calmé sur ce stress. Ah oui, mais je te crois. Rigoler autrement tantôt, il me semble, si je me rappelle bien. Bah oui, j'ai deux rires ici sous la main. Hein. Mais... voilà. Bon, alors voici la solution. Si vous êtes stressé, il n'y a aucun souci. Inspirez, expirez et lancez votre hache. En fait, c'est bien simple, c'est la nouvelle activité à la mode, arrivée dans l'Hexagone il y a quelques mois. Il suffit en fait tout simplement de lancer des haches contre un mur. Et ça, c'est arbitré par des arbitres. C'est très officiel comme nouveau sport. Et donc, s'installer dans une zone industrielle au sud-ouest du pays, cette nouvelle thérapie d'un nouveau genre a été imaginée par Grégoire et Adrien Thorne, deux ingénieurs originaires de la capitale bretonne. Mon Dieu. C'est sympa pour se défouler. Les gens viennent en groupe pour lâcher prise. C'est un petit peu le résumé de cette nouvelle activité et c'est hyper addictif apparemment car au départ ils voulaient juste créer des Fury Rooms, donc des salles de démolition, mais elles étaient de plus en plus nombreuses à vouloir fréquenter ces endroits, donc ils en ont créé tellement qu'au final il fallait se démarquer et au final le jeune entrepreneur de 20 ans a créé un endroit où on lance des haches. Non mais le concept est quand même particulier. C'est particulier, c'est ce imagine, que t'es un petit peu fou, tu prends la hache, tu lances sur les gens qui sont à côté de toi. Enfin, bon, en attendant, si tu vas là-haut, tu es censé quand même être un minimum responsable de tes actes. Mais je veux dire, oui, voilà. Je veux dire, bon, c'est quand même fort risqué comme idée. Hein. Ouais. Ouais, c'est très risqué. Tu vas là-haut, tu lances des haches contre un mur. Bon, bah, ok, mais bon. Ouais, t'es là, tu commences à t'énerver. T'es là avec tes potes. Bon, bah, Georges, décale-toi. Entre con, les hein. yeux, ouais. 2 points. Si tu te redécales un peu, je peux peut-être viser autre part. En tout cas, c'est complètement dingue. Non, moi, je trouve donc, ça, je sais pas, je trouve l'idée pas très très bonne. Quoi. Moi, ça me rassure pas, mais sachez qu'on est le 9 juin 2018 et qu'est-ce qu'on fête le 9 juin? La fête des morts? Non, une fête, oui, mais c'est laquelle? C'est la journée mondiale du chou-fleur. Non. La journée mondiale du tabac. Non, en fait, c'est la journée mondiale du bien-être. En fait, c'est simple. Donc, aujourd'hui, c'est important qu'on soit bien à l'aise dans notre peau, correct. Ah bah, moi, j'y suis, là. Il y est, parce que Kylian, je dois vous dire, pour la journée mondiale du bien-être, il a eu l'idée, tout simple, toute bête, de venir en sandales. Donc, enfin, en espèce de claquettes de chaussettes, quoi. Vous voyez, en chaussettes blanches, en plus, hein, parce qu'il faut évidemment être à la mode. Donc, bravo, Kylian. Merci, merci. C'est très beau. Magnifique. Il faut savoir qu'avant d'aller à la radio, on est passé en voiture le chercher. Et quand je l'ai vu sortir de chez lui avec cette tenue, je me suis dit non, quand même pas. Oh si, mais j'ai assorti mon polo avec mes chaussettes. Mais tant mieux. Donc voilà. Bravo Kylian, en tout cas, tu as le style. Je sais. Ça, je sais. Mais ça, c'est naturel. Ça, c'est inné, c'est en toi. Voilà. Je suis sapé. Sapé, oui, ça comme vient. Jamais, surtout. Voilà. C'est surtout ça. Games. Effectivement. Qu'on peut retrouver sur notre. Sur Hilar FM. Sur la web radio Hilar FM, les hits du 19h-20h. Merci Kylian de faire ta pub dans l'émission. Eh ben de rien. D'ailleurs, en parlant de trucs complètement fous, tu sais qu'en Lorraine. En Lorraine. Ça ne nous regarde pas, Thomas, tu sais. En Lorraine, un poids lourd rempli de papier toilette à destination de Kylian Welfring prend feu sur l'autoroute et bloque la circulation. Une scène complètement dingue entre Nancy et Metz. Un poids lourd rempli de papier toilette a complètement pris feu tout début d'après-midi ce mercredi. Oui, mais j'étais dérangé du coup parce que j'étais passé aux toilettes et là j'ouvre mon armoire et plus de papier toilette. Oh ah oui, bah j'ai dû prendre des essuies. Hein. C'est-à-dire, lui prendre les rideaux. Oh non, bah, j'en ai pas, j'aurais du mal. C'est le problème. Et donc voilà, la scène a été complètement impressionnante pour tous les automobilistes qui sont basés par la région. La journée est très dure. Et donc voilà, si vous avez déjà croisé un papier toilette en roulant feu, sur l'autoroute, alors un camion de papier toilette, c'est encore mieux. En feu, bah dites-le nous. Kylian, je te propose d'aller dehors. Peut-être attendre, hein. Parce que là, on a la fenêtre ouverte dans le studio. Car oui, on peut encore ouvrir la fenêtre cette saison. Parce que je pense que la semaine prochaine, ce sera, la saison prochaine sera moins possible. Et on voit la grosse drache qui tombe actuellement dans les alentours du studio. C'est complètement dingue. Oui, Kylian, qu'est-ce que tu fais? Kylian? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche les prévisions météo. Tu sais pas taper ça avec tes doigts et déranger Siri pendant l'émission? Non, parce que ça me prendrait trop de temps de taper, tu vois. Voilà. Là, c'est fait en quelques secondes. Ouais. Et il fait exactement 20 degrés dehors alors qu'il pleut. Comme, il fait comme, 27 degrés 3 ici à l'intérieur. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est 3 degrés grâce à mes sandales. Super, bravo. Et donc... il va faire très orageux cette nuit, en tout cas par chez nous. Voilà. Merci pour cette minute météo que je vous offre avec honneur. Elle était gratuite en plus. Elle était gratuite. Oh bah gratuite. Ça c'est nickel. Je ne pouvais pas demander mieux. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on s'écoute tout de suite un artiste que j'adore, que je vous fais découvrir maintenant sur Hilar FM. C'est, on va dire, c'est le titre que j'aime beaucoup écouter en ce moment. Ça s'appelle Un été français. Non. J'ai demandé quand même qu'on le retire de la grille diffusion du 19h-20h et du 20h-22h car ça faisait un peu beaucoup. Hein. Je commence à arriver à la situation. J'aime beaucoup saturation. J'aime beaucoup Indochine, mais il y a un moment où voilà, on peut passer à la suite. Pumple Goes avec Aerosol Cannes, c'est tout de suite dans le 20h-22h dans Jadoul. Je suis complètement fan, j'espère que vous aussi. En tout cas, je pense que ça, ça va être un tube de l'été que vous allez pouvoir entendre sur la web radio qui va bientôt arriver d'ici quelques jours. Ça s'appellera Hilar FM été 2018 et dessus vous allez avoir tous les hits que vous pourrez écouter sur la plage. Et ça, je pense que ça peut être une belle chose, non? Ça peut être une belle chose, et même quand oui, vous surtout êtes... lorsqu'on est en vacances. Voilà, même quand vous êtes entre potes chez vous, vous faites un barbecue, bim, en arrière-plan, vous mettez la petite radio, la petite radio avec Hilar FM hit ou... été 2018, et comme ça, vous écoutez un petit peu cette ambiance de plage que vous pouvez retrouver sur les vendeurs ambulants, mais avec la musique qu'il faut. Et comme tu dis, bim, vous allez vous amuser grâce à nos musiques, vous allez vous enjailler. Au niveau du foutage de gueule, Kylian, on est comment? Très bien. Pour l'instant, très, bien très très bien. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et bien sûr, on va être hilar. Voilà, merci Pierre-Richard. Bon, je vous propose que tout de suite, on passe à au fameux jeu des 5 mots, vous connaissez tous. Jadoul, 20h-22h sur Hilar FM. Est-ce que tu es prêt, Kylian? Je suis prêt. C'est parti. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Peut-on lancer le chronomètre? On peut lancer le chronomètre. Merci beaucoup. On dirait le vieux gang de la mafia, quoi. Ah, est-ce que tu peux quand même me proposer cette belle chose qu'est ta fille? Si, peut, mais il faut payer beaucoup. Attention, sinon je vais te retrouver dans une rue sombre et te découper les boyaux un par un et les encadrer dans mon salon avec la biche morte de la semaine passée. Mais tu parles, mais ta petite cocognette. Merci beaucoup, Kylian, de finir toujours ces moments par un moment de fraîcheur. Voici le chronomètre, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je suis prêt à deviner, c'est parti. Moi aussi. Ah bah non. Alors, le premier... Ouais, attends, tu me fais perdre déjà 3 secondes. Ça ne va pas. Attention, dès que le chrono démarre, je veux que les indices commencent. Attention. Ok. C'est parti. Mauvais, il fait mauvais. Le c'est temps, la pluie. Attends. De merde. Orageux. Bien, mais c'est de l'eau. C'est de l'orage. Bien. Alors, on y va parfois en vacances. Tu mets tes petites tongs, une petite tente. À la plage. Non, une... À la mer. Non, tu mets une tente dans la merde. Au camping. Mais bien. Bonne réponse. Alors, tu en trouves un peu partout. Les bords, au bord d'autoroute, on a juste devant toi. La couleur. Un radar. Non. Un panneau signalisation. Un non. Micro. Non, t'en as un devant toi. Un fluoré. Les fluos, le fluo, la couleur fluo, le fluo. Sur le bord de la route. Mais le bord de la route, il y a des petits panneaux fluo. Ah ouais. Ok, le temps que je... Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut repartir pour 30 secondes pour deviner le reste? Oui, de toute façon, il y en a deux autres, mais ils vont être faciles, il va voir. Ça va alors. Enfin, j'espère. Alors, le premier, c'est, ça fait très fort, comme ça, c'est jaune, enfin blanc. Un éclair ça, bien. Ouais. Et l'autre, c'est le même, mais fourré au chocolat ou à la vanille. Attendez, il va quand même me faire dire le nom de cette pâtisserie alors que je l'ai dit il y a 2 secondes pour la précédente question. Et c'est quoi? Un éclair. Eh ben bien. Ouais, merci beaucoup. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup pour ce jeu des 5 mots, Kylian. Eh ben de rien. Et je vous propose plaisir. Que je fasse mon jeu des 5 mots. Ouh putain, l'éclair qui a eu par la fenêtre. Pardon, désolé, je suis encore vulgaire, mais ça c'est on est habitué. On va faire le jeu des 5 mots avec quelqu'un au téléphone dans quelques instants si tu veux. Ok. Ce sera pas plus mal, je pense. Ok. Ok, ça nous qui va. Qui le fait? Hein? Les 5 mots. Moi, je le fais à un auditeur au téléphone. Et pourquoi c'est pas l'auditeur qui te le fait? Ah! Parce qu'il a rien préparé, on l'appelle au dépourvu. Bah, justement, faut l'engueuler. Faut aller l'engueuler. Oui, allô, monsieur, c'est honteux. Est-ce que vous n'avez pas honte? Ah, Kylian, qu'est-ce que. Ah, d'accord, ok, oui, je vois. J'ai lancé, bah oui, Jean-Michel dans le standard. Ça sent le lourd. Jean-Michel, êtes-vous avec nous? Oui, allô? Ça vous va? Bon, très bien. Alors, il paraît que. J'ai entendu ça au bureau dans la journée. Vous êtes parti déjà en vacances. La saison n'est pas terminée, il reste encore 3 ou 4 émissions. Vous êtes déjà parti. Alors je suis au camping, mais c'est un petit problème. Hein. Non, mais pourquoi vous avez toujours des problèmes partout en toute situation? Pour ça, je n'ai plus rien. Non, en fait, au camping, il y a de l'orage. Mais le problème, eh ben, c'est que la foudre est tombée sur ma tente. Avec l'alcool, ça a dû faire de sacrées étincelles. Ah non, c'est pas l'alcool, hein. C'est vraiment la télévision. J'ai ramené ma petite télé carrée là de chez moi. Je l'ai posée et pam, partie en flamme. Alors pour me soutenir, j'ai pris le petite bouteille d'alcool. Comme et puis une petite Nicole avec. D'accord, mais au camping, rassurez-moi, vous n'êtes quand même pas parti seul. Mais non, je viens de te dire, j'ai pris ma petite Nicole. Oui, mais votre petite Nicole, est-ce qu'elle tient encore à vous? Bah moi, en tout cas, je tiens bien à elle, elle a un gros décolleté. Vous savez qu'on l'a eu au téléphone cet après-midi. Ah? Elle nous a annoncé qu'elle aimerait que vous cessiez un petit peu votre problème d'alcoolisme. Bon là, pour te faire vert, hein, Nicole. Vous allez pas larguer Nicole pour ça. Bon si, et moi, mon seul la boisson, les femmes, bah j'ai pris la boisson. Hein. Mais vous êtes cruel, Jean-Michel. Bah je suis pas cruel, j'ai soif. C'est une honte. Ah, je suis choqué. Bon, c'est bon là, parce qu'il faut que je refasse une nouvelle tente, hein, ou alors je vais dormir chez Angélique. Ça ne vous fait rien? De... Bah, votre femme? Oh ben, je m'en fous, mais alors là, what? Ok, d'accord, pourquoi pas? La pauvre Nicole, elle est au camping avec vous, là, en ce moment. Alors là, elle est partie chercher les tomates. Pensez qu'elle reviendra? Je m'en fous. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est pas très gentil pour elle. Ce qu'on fait, c'est que vous continuez à rassembler ce qui vous reste comme tente et votre télé et tout votre bazar. Vous essayez de pas trop boire entre temps et on se retrouve d'ici la fin de l'émission ensemble. Ok, à l'apéro, ciao. Merci beaucoup, Jean-Michel. Il est juste exceptionnel. Je suis fan. Ensuite, on a oublié de lui demander dans quel coin il est parti. Tu sais pas Kylian où il est parti? Alors là, pas du tout. Hein. Ah, bon, on lui demandera. Et note-le parce que sinon, on va l'oublier. Bon, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se faire une dernière actualité, si vous le voulez bien. C'est une actualité qui concerne Kylian. Donc, en fait, chaque matin, il sortait ses poubelles entièrement nues. Eh ben et oui. Donc, ce quadragénaire qui a pris cette mauvaise habitude a été interpellé et placé sous contrôle judiciaire après avoir trouvé cette attitude pratique. Donc, si vous sortez les poubelles complètement nues de manière à ce que ce soit pratique, vous nous contactez. On fera quelque chose pour vous. Mais du coup, j'ai dû mettre un slip maintenant parce que oui. Depuis que j'ai été à la police. Là, ils ont accepté de te libérer pour quelques heures histoire que tu fasses ton travail. Mais sinon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et sais-tu ce qu'ils risquent en faisant ça? Bah oui, je sais ce que j'ai risqué. Oui, non, sérieusement. Je sais pas moi, 1 an, 2 ans de prison. Il peut être condamné pour exhibition et il l'a déjà été 7 ans plus tôt. Donc pour vous dire que c'est quelqu'un qui récidive. Et non, je n'ai pas la peine de qui pourra en courir, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu particulier. Bien, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on se retrouve juste après la musique et on continue nos actualités dans quelques instants. Mais d'abord, Kylian, est-ce que tu pourrais nous faire une petite actualité complètement dingue que tu as repérée dans la presse durant l'après-midi? Est-ce que tu peux juste nous dire de quoi ça parle vite fait et on détaille après? Alors, à Manche, je sais pas si vous connaissez, ils trouvent un obus sur la plage et le ramènent en voiture jusqu'au commissariat. Voilà. Bon, bah. Le gars est doué. Bon, ils ont dit il, mais ils auraient mieux fait de dire Jadoul, voilà, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, évidemment, parce que c'était moi. Non, je plaisante, bien sûr, on détaillera cette actualité-là dans quelques instants, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce Normand a eu très très chaud en faisant ceci. Kylian, oui. On va s'écouter encore un des nouveaux titres qui est arrivé. Oui, je t'en pique, hein, ça vient de ton émission, mais je peux t'en piquer, ça te donne. Oh, bah, c'est du beau, ça. C'est du beau, t'as allez. Pas honte, hein. Allez. Tiens, prends. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, prends un coup de sandale. Aïe, il m'a vraiment lancé une sandale. En plus, c'est. Oh, non, oh, non. Elle sent très mauvais, en plus, ta sandale. Donc, merci, Kylian, pour ta sympathie. Ça, c'est fait. Tu connais Boulevard Désert, évidemment? Bah oui, Boulevard Désert. Allez, Boulevard Désert. Non, je sais que c'est pas ça. Ils ont sorti un tout nouveau titre. Je suis étonné, d'ailleurs, que tu l'as pas diffusé. C'est Je me dis que toi aussi. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que je me suis dit que toi aussi. Donc, je me suis dit, je vais lui laisser. Comment il se rattrape à tout ce qu'il peut, lui, mais c'est pas possible. Nous sommes en direct, voilà. Comme quoi, l'orage fait en sorte que on a quelques petits problèmes ici à la radio, étant donné qu'on a, on a plus l'intégralité de notre courant. Je pense qu'on est sur groupe électrogène, étant donné qu'il y a un petit orage, donc ce qui a fait ce petit décrochage et ce petit décalage. Donc voilà, ça arrive, comme quoi c'est la magie du direct et la magie du temps aussi qu'on ne peut pas prévoir et on ne peut pas le contrôler. En tout cas, ce qu'on va contrôler, en tout cas maintenant, c'est la cassette de Jadoul en direct. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Et cette cassette, la voici. Est-ce que Kylian, tu peux la mettre dans le magnétoscope? Je la lance, tiens. Pardon, je t'ai même pas allumé ton micro, je suis vraiment méchant. Hop, je la lance, tiens. Hop. Donc c'est à vous de trouver tout de suite maintenant en direct plus 32 49 9 15 75 et par la même occasion je fais un petit coucou au standard à Marie qui nous dit salut l'équipe et à Jean qui nous fait salut les gars, bonne soirée à vous. Et ben on t'embrasse Jean, merci de nous écouter, merci d'être fidèle. Coucou Marie, coucou Jean. Coucou Marie, si tu savais tout le mal que Jean t'a fait. Que Jean t'a fait. Pourquoi tu mêles les auditeurs entre eux? Ne leur fais pas de mal. Ils ont déjà assez de mal à nous écouter. Alors, parce qu'on vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. Car vous écoutez Ilar FM. Et Ilar FM, c'est bien, non? C'est bien, ouais. C'est très bien, bien, même. Ah ouais, c'est du lourd, hein. Ilar, c'est bien le nom. Merci Pierre, t'as raison. D'ailleurs, semaine prochaine, écoutez Jadoul car on aura l'interview exclusive que j'ai réalisée de Pierre Richard qu'on va diffuser sur cette antenne. Ça va être un grand moment de cette émission-là. Donc voilà, il nous a même dédicacé une pancarte qu'on a ici dans le studio. Et donc voilà, on la voit ici dans le studio, t'es d'accord qu'il y a? Je suis d'accord, elle est très bien signée en plus. Voilà, avec un magnifique dé dont on n'a jamais vu la taille, une telle taille. C'est énorme, juste le dé de Pierre Richard, le dé énorme. Et le D ressemble pas vraiment, vraiment à un D, on dirait bon, un M. Bon, il a essayé de dessiner quelque chose. Bon, voilà, ça c'est fait. Non, je rigole, mais voilà. Comme ça, on a sa dédicace dans le studio et ça fait toujours plaisir. On postera également la photo sur la page Instagram. Oui, sur Instagram. On la postera la semaine prochaine dès qu'on aura diffusé l'interview. Ça oui, te va? Ça me va. Allez, tu devais nous dire la suite de ton actualité. Remets dans le contexte un petit peu tout ça. Et ben donc, un homme a découvert un obus en se promenant sur la plage de Biville. D'accord. C'est à Manche. Pour ceux qui ne savent pas. Oui, c'était d'accord. Ce dimanche d'ailleurs. Merci. Et donc? Et donc, bah, il a décidé d'apporter sa trouvaille au commissariat de Cherbourg. Ah ouais. Oui, c'était pas tellement une bonne idée parce que sans prendre conscience du risque encouru, l'homme a chargé l'engin explosif dans sa voiture et roulé jusqu'au poste de police. Une fois sur place, dingue, le promeneur a informé les agents des raisons de sa visite. Oui, donc il y a eu des interventions de démineurs qui sont venus et donc les démineurs ont été immédiatement. Ok. Les démineurs ont été immédiatement appelés et le véhicule de l'homme immobilisé. Les experts en explosifs ont finalement découvert que l'obus ne présentait aucun risque de détonation puisqu'il n'était plus actif. Pour éviter tout danger, le commandant de la police de Cherbourg a tenu à rappeler qu'en cas de découverte de ce type d'engin, il est important de ne pas le manipuler. Il est généralement conseillé d'alerter les secours et d'empêcher le public de s'en approcher. Oui, parce que oui, c'est un petit peu compliqué. Hein. Vaut mieux téléphoner à la police parce que si on déplace un obus, ça peut être compliqué. Moi, je connais quelqu'un qui a justement trouvé un obus dans un champ. Et là, la police lui a dit... Non. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein. Bah, même pas. En fait, j'ai été chez cette personne et j'ai trouvé l'obus sur son armoire. Et quand j'ai voulu la prendre en main, elle fait « Non, touche pas à ça. Pourquoi ?» Mais c'est pas tellement conseillé. Ah d'accord, oui. Le gars bon, a ramené un... Pas de soucis. Le gars a ramené un obus chez lui. Mais oui. Il est dingue, il dort sur une bombe. Bah, en fait, ils ont... Enfin, il dort sur une bombe, je connais pas sa copine. Mais... Et ça se trouve, c'est l'inverse. Alors, non, mais là, je veux dire que. Enfin, bref. Et donc, ils trouvent même d'autres choses dans le champ. Ils ont déjà trouvé des médailles ou des trucs comme ça. Mais là, un obus, c'est vrai qu'apporter un obus chez soi, il faut. Voilà. Il faut être fou, tout voilà. Simplement. Voilà, mais. Tu poses un truc sur ton meuble, tu le fais tomber. Bah, tu risques juste de détruire le quartier. Mais rien de grave, rien de grave. Oui, voilà, tu croises quelqu'un, tu dis ça va? Qu'est-ce qui va pas? T'as fait quelque chose? Ça veut dire quoi? Ah, t'as planté un obus chez toi? Ah, il a explosé! Ça s'entend pas! Donc voilà, ne faites jamais ça, évidemment, tout seul, appuyez directement les autorités compétentes pour régler ce genre de choses. On va vous parler dans quelques instants d'un faux cétacé qui s'est échoué sur une des berges du lac de Serre-Ponçon, mais d'abord, un Britannique tente de voler un yacht et il est arrêté par la police. Ce qui n'est pas étonnant théoriquement quand on vole des choses. Mais le plus étonnant, c'est que ce Britannique de 50 ans a été arrêté par la police lundi en Italie à bord d'un luxurieux bateau qui se trouvait au port de Portofino. En fait, le type a volé le bateau d'une valeur de 150 000 euros et les propriétaires avaient laissé les clés tout simplement sur le contact. Donc il a eu simplement à démarrer le moteur et le navire a tout simplement été retracé. Et il y a eu une légère course poursuite, mais bon, bah ça a été, ils ont réussi à régler ça rapidement. C'est le plus important, Bertrand. Cet accident est complètement inhabituel, ils tiennent quand même à le préciser. Et donc, voilà, c'est un truc complètement insolite. Complètement. Est-ce que toi tu vois des clés sur quelque chose, ça tente de le voler? Attends, on coupe mon micro? Oui. Ok, très bien. On va dans quelques instants vous appeler pour faire un jeu des 5 mots avec vous en direct. Si vous avez envie de jouer avec nous, vous nous appelez sur le numéro de téléphone de la radio. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Voilà, le numéro est retenu. J'espère en tout cas qu'il est dans vos mémoires. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le retrouver sur tous les réseaux sociaux pour nous contacter. Donc c'est pas compliqué. Kylian, tu devais nous parler de ce cachalot là. Eh bah oui, donc ce cétacé, ou tout du moins ce à quoi il s'apparente, a été découvert mort sur les berges du lac de Serre-Ponçon. Est-ce que tu connais Serre-Ponçon? Oui. Non, ça se situe dans... Dans les Hautes-Alpes. Ah, en France? Oui. Ah, d'accord. Et donc, il a été découvert donc ce vendredi matin, enfin ce vendredi matin donc de la semaine passée. C'est rapporté par la province. Selon la préfecture qui a confirmé l'information à 20 minutes, des scientifiques ont été envoyés sur place afin de procéder à des relevés. Un périmètre de sécurité a également été installé. Eh ben, ça j'ai la photo juste devant moi et j'ai l'impression d'avoir un gros molard, mais ça ressemble à rien. Une grosse bouche, Bah c'est un cétacé quoi. Des dents, on dirait des poignées de porte. Des poignées de mais porte. Mais oui, attends, je te montre la photo. Et en plus, je sais pas ce qu'il y a en bas, mais. Enfin bref. Oui, montre-moi ça. Bah, je sais pas, là c'est bizarre. Oui, non, oui, effectivement, oui. Enfin, tout du moins, je peux dire que c'est un mâle d'après la photo, mais. Non, c'est l'orifice par lequel il respire. Non, ça m'étonnerait. La bouche est en bas. Si la bouche est en bas avec l'orifice où il respire. Ah, c'est la bouche, le truc avec toutes les dents. Oui, c'est ça, une bouche, oui. D'accord, ok, ça va, je vois. Et donc là, la nageoire, oui, d'accord, ok. Très bien. Eh ben, de quoi se sentir bien, je pense, ce soir avec ce magnifique cachalot. Tu connais Kungs? Oui. Sache qu'on fait gagner l'album ici, dans Jadoul. Donc contactez-nous et jouez à nos jeux. Nous nous retrouvons dans quelques instants. 20h52, j'ai encore bouffé l'intro, mais c'est pas grave, car je tiens à vous dire, on a encore beaucoup de séquences à voir. D'ici la fin de cette émission et des nouvelles de Jean-Michel. Voilà, Kungs, tu peux te lancer seulement maintenant, d'accord? J'avais besoin de 20 secondes, moi, d'accord? Vous êtes dans Jadoul, votre émission qui est là comme chaque samedi, et je te propose qu'on lance le générique de 21h, comme ça c'est déjà fait, 4 minutes à l'avance. C'est aussi ça un petit peu le professionnalisme digne de la NASA qui a fait toute notre renommée. Et la force d'Hilar FM. La force d'Hilar FM, voilà, tout simplement. Je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Neil Armstrong est le premier à avoir marché sur la Lune. Chuck Yeager est le premier à avoir franchi le mur du son. Et il y a Jadoul, qui lui est le premier à se jeter sur les pâtisseries à l'accueil. Mais c'est aussi le numéro 1 du samedi soir. Et ça, c'est vraiment pas mal, non? Jadoul, 20h-22h, sur Hilar FM. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie de l'émission. Nous sommes dans la dernière heure. Voilà, ça s'annonce un peu grave quand je le dis comme ça, mais au final, c'est très bien quand même. Kylian, tu as encore des actualités à nous dire, mais avant, je vais jouer quand même avec toi au jeu des 5 mots, car je t'avoue que j'ai pas eu le temps de trouver un numéro pour le mettre dans le standard et compagnie. Donc, je vais jouer avec toi tout simplement. D'accord. Ça te va? Ça me va. Allez, c'est parti, on passe au jeu des 5 mots, deuxième partie de la soirée. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. On peut démarrer le chronomètre. Es-tu prêt? Je suis prêt. Eh ben, attention, c'est parti. Je suis quelque chose qu'on l'on donne aux chiens. Croquette. Non, oui, mais on les met dans quoi? Un os, dans une gamelle. Bonne réponse. Je suis quelque chose qui régule le flux de la circulation d'une autoroute. Ah, une bretelle. Ah non, des sécurités, la panneau, des... Non, c'est un endroit par lequel on est obligé de passer si on veut continuer sur la route. Une bretelle? Non, enfin, c'est un endroit, souvent il y en a beaucoup quand on va en vacances. Déviation. Non, qui permet d'accéder à une autoroute privée. Une autoroute? Un péage. Un péage? Bah, il y a des travaux? J'ai jamais dit travaux. Je te jure, j'ai compris le mot travaux, il y a des travaux. D'accord. Ah bah pas du tout. Ah ok. Okay. Non, du tout. C'est pas grave, on va repartir pour 30 secondes, c'est parti. Un payage. C'est quelque chose que l'on utilise en cuisine. Ah, une fourchette. Une épice. Une épice. Curry. Non. Sel, poivre. Non. Du curcuma. Non. Je sais pas à quoi ça ressemble, donc je sais pas t'aider. En plus. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'on utilise en cuisine? Ça commence par T. T'étais où? Non. Je ne sais pas, moi, t'es... Du... Timbre, vas-y. Allez. Mais je trouve pas. Attends. Dis-le, mais tu l'as dit au moins une fois. Timbre, tu l'écris comment? Je sais pas. Alors tu le dis comment? Je sais plus. T. Oui. Y. Tiamo. Fais pitié. Du thym. Du thym, voilà. Mais non, mais j'avais thym en tête, mais pas thym. D'accord. Pas thym. Ah, il y en a encore deux à trouver, je pense, au moins lancer 6 fois le chrono. Je suis quelque chose utilisé en chirurgie comme dans la vie de tous les jours. Du thym. Métallique. Ah, des ciseaux. Des ciseaux, bonne réponse. Dernier mot de ce jeu des 5 mots, je suis quelque chose qui se trouve aussi sur les routes. Des cônes. Non. Des panneaux. Dont on a très peur. Des lignes blanches. Ah, des policiers. Non, oui, mais... Sécurité routière. Des radars. Bonne réponse. Bah oui, allez. Avant les 30 secondes, ça c'est un record chez Kylian en tout cas. En tout cas, félicitations, tu as deviné les mots de ce jeu. En 10 minutes. En 10 minutes. En tout cas, voilà. Il n'a pas fait mieux que moi, mais en tout cas, aucun de nous deux a gagné. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de nous appeler plus 32 49 9 15 75 pour essayer de nous défier, car franchement, on en a bien besoin. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie, Kylian? Alors, en Australie, un jogger défèque dans la rue une trentaine de fois. Son voisin le confond. Alors, voilà. Ça, il manque des virgules dans ta phrase. Non, c'était vraiment écrit comme ça. Moi je prends l'article. Attends, répète juste. Un jogger défèque dans la rue une trentaine de fois. Son voisin le confond. C'est la phrase qui est marquée, hein. On va bon, y alors, arriver. Andrew Macintosh, c'est pas les ordinateurs, ça. Macintosh, c'est aussi le surnom de quelqu'un qui est en face de moi. Ah, bref, ça, on ne le dit pas. Oui, on t'a appelé comme ça. Enfin, je t'ai appelé comme ça quand tu étais petit parfois. Macintosh. Ok. Tu te rappelles plus? Du tout. Ok, bah c'est pas grave, je te le rappelle. Moi je t'appelle toujours tête de con, ça va pas changer. Ah bon? Bon, Andrew Macintosh, bref, 64 ans, était un homme respecté et très impliqué dans la vie de sa communauté, de la ville de Brisbane en Australie. Mais sa réputation semble... Quoi? C'est pas moi. Mais sa réputation semble ternie à jamais à présent que... Purée, oh là là, tu m'as embrouillé à me faire rigoler, je sais même plus qu'est-ce que je dis. Ça attends. Va être ma faute. Bon allez, sérieusement, on se reprend en main, on arrête de rigoler. Mais sa réputation semble ternie à jamais à présent que son image est affilée à celle d'un jogger défèque dans les rues. Il manque des trucs dans ton texte, c'est pas possible. Attends, défèque dans les rues de son quartier, rapport de Washington Post. Mais qui aurait cru que celui qui participait activement au projet d'agrandissement de la ville et assistait rigoureusement au conseil municipal. Pardon. Mais ce texte n'a presque aucun sens, quoi. C'est quoi cette blague? On lit, on a l'impression de rien comprendre. C'est pas une impression, je pense. Les auditeurs non plus. Municipal serait l'auteur des de répugnantes crottes. Mais c'est quoi? Mais attends, on m'a donné quoi comme texte là? Attends. Au conseil municipal serait l'auteur des répugnantes crottes laissées sur le trottoir, tout près de papier toilette usagé. Le camion. Les Russes étaient vus souillés d'excréments humains pas moins d'une trentaine de fois. L'hypothèse du besoin urgent et inopportun pardon, a très vite été écartée. Les voisins d'Andrew McIntosh, qui l'ont affectueusement surnommé... Ça va aller, le texte est bientôt fini. Mais non, mais attends, le caca jogger, why? Pourquoi caca jogger avait bien préparé leur coup pour le démasquer, pris en flagrant délit. Caméra avec vision nocturne synchronisant le de time... Quoi? De synchronisation? Ça, ça va être long. Ce texte est un foutoir monumental. Celui qui a écrit ça était bourré ce jour-là. Et en attendant, celui qui peut donner des cours de lecture et de français à qui. Mais non, mais attends, sérieusement. Je le lirai après, je le lirai après. Le texte est particulier, ok. Bon, allez, caché dans les buissons, appareil photo entre les mains, l'un des riverains se tenait prêt à prendre le cliché qui révélerait au grand jour l'identité. Arrête. J'ai rien dit, moi. J'étais là quelques matins. Et puis vendredi. Mais t'arrêtes pas. Mais je sais. J'étais là quelques matins. Et puis vendredi dernier, je l'ai eu à déclarer Smith à news.com. Il croit pas un mot de ce qu'il dit. Il a regardé si c'était recto verso pour savoir si c'était encore long. Il est correcto. Il y a une lumière rouge qui s'allume avant que le flash de l'appareil photo ne s'éteigne. Ah si, il y a une... La blague. Attends. J'ai cru qu'il n'y avait pas de suite. Alors il l'a détecté. Mais il m'a regardé juste quand je capturais l'image. C'est même plus où il en est détaillé. Et le résultat est peu flatteur. Sur l'image, on voit Andrew McIntosh courbé, le pantalon. Mais non, il faut arrêter de dire des bêtises, pareil. Pantalon baissé au niveau des genoux et du papier hygiénique enroulé entre les doigts. Alors il a juste dit bonjour. À ce moment-là, j'ai décidé de partir à raconter Smith. Encore une fois, il raconte beaucoup de choses celui-là. Le tribunal a considéré que le sexagénaire avait causé un trouble à l'ordre public. Il a été condamné à payer une amende d'un montant de $378, environ 321 euros. On y est presque. Attendez, depuis, certains riverains s'amusent à photographier Andrew McIntosh dans la rue, même s'il a cessé de se soulager dans les lieux publics. Il a également perdu son emploi à AVO, un groupe d'investissement australien. AVO Group est affligé, et déçu des incidents allégués à l'égard d'Andrew McIntosh. Il a remis sa démission à l'entreprise aujourd'hui et n'est plus un employé d'AVO. Oui, ça, oui, il se répète. Hein, voilà. C'est tout ? C'est tout, oui, j'espère bien, parce que là... On arrive à la fin du texte ! Et aujourd'hui, nous allons remercier tous les artistes qui ont participé à ce marathon olympique de lecture. Nous avons, dans les starting blocks, qui vient de terminer, Kylian Welfring. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors, c'est sûr que sans les produits dopants, c'est plus que c'était. Mais en tout cas, c'était l'artiste qui vous a convaincu durant ce marathon de lecture. Attention, on salue l'artiste, chapeau le sportif. Gros bisous à tous mes amis, bisous. Dans quelques instants, le marathon continue sur France 2. Toujours avec des fautes de prononciation. Ne quittez pas. Et des artistes qui ne savent toujours pas lire leurs tests. Effectivement. La soirée s'annonce très très compliquée. Non mais ce texte était quand même très fou. Et pas que le texte, je sais. Mais le texte était en lui-même quand même très fou. Mais au départ, je me suis dit, je vais le relire par la suite pour qu'on comprenne au moins un mot de ce qu'on a dit. Mais en fait, au final, la news, on s'en fout. C'est toi qui as été le plus drôle là-dedans. On s'en fout, oui. Non, mais en plus, y a, dans les phrases, ils ont été mettre des liens. Du coup, tu lis et t'essayes de retrouver là où la suite de la phrase est... C'est, je sais pas. J'aurais été capable de faire sur l'image, ouvrez la parenthèse, https://twitter.com/. Mais c'est vrai, c'est. Comme tout à l'heure. Et c'est un 2, virgule. Il. Bon, en fait, j'ai fait exprès de dire le virgule parce que je pensais qu'il n'y avait pas de suite. Du coup, je me suis dit, je vais dire virgule, il, et puis il n'y a pas de suite. Sauf qu'en fait, il y avait vraiment une suite, donc j'ai encore eu l'air con. Pas de souci. Jadoul, 20h-22h sur Ilar FM. Mais on te pardonne, tu sais, Kylian, et je pense que c'est le plus important. J'espère bien. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Oui, ça. Une bien meilleure émission, oui, ça, je suis d'accord. Vous ne le savez pas, hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans moi? Je suis important. Ben on peut tester dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fera sans toi? Ok, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'écoute un des titres que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Walk an Egyptian. Tu connais? Non. Bengals, The Bengals, le groupe. Oui, je connais. The Bengals, oui, bon, peut-être, oui, c'est possible. Ok, très bien. On verra. On s'écoute ça tout de suite sur LR FM. Nous sommes en direct, 21h08. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. On vous accompagne durant cette période de révision si vous allez faire des examens et que vous êtes encore aux études. Je viens de tirer mon micro à l'antenne, ça fait un méga gros bruit. Voilà, oui, je reprends l'antenne pour vous donner une info très importante. Non, c'est bon, je suis là. Ah bah t'es là, parce je que suis là. Thomas s'est absenté. Kylian a repris l'antenne. Déjà, ça a fait... Quel est le bouton qu'il faut le lever là-dessus? Quelle est la tranche? Et ensuite, ça a fait... Je vais récupérer mon micro qui est à 3 km de moi. Allez, viens par ici, vous non, êtes dans... Le pire, c'est que... Regarde, écoutez, attends, diminuez la radio parce que je vais refaire le bruit. Attention, vous êtes prêts? Oui. Le bruit, ça fait ça. Voilà, un bon vieux très bruit. Très désagréable. Non mais voilà, donc maintenant vous savez un petit peu les tenants, les aboutissants de cette espèce de blanc à l'antenne. En fait, j'étais tout simplement aux toilettes. Bon, ça c'est dit. On peut reprendre l'émission. C'est toi qu'on a pris les photos là, Andrew, je sais plus quoi, Macintosh là. Ouais, voilà, c'est ça. Effectivement, le texte qu'on a rien compris, c'est ça? Oui. D'accord, bah, on est bon alors, c'est bon. C'est nickel, vous êtes toujours dans Jadoul là. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. Ah bon ? Dans quelques instants, on va faire un jeu magique. Ça va être juste exceptionnel. Je vais vous faire encore écouter un titre de l'artiste que j'adore en ce moment, qui s'appelle Pumple Goes, qui a encore un de ses titres. Vous pouvez le retrouver sur SoundCloud. Il fait des trucs magnifiques et j'aime beaucoup. J'ai déjà écouté beaucoup de ses lives. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est house, rhythm, drum and bass, c'est assez sympa. Et je vous le conseille. D'ailleurs, c'est avec lui qu'on a fait le jingle que voici. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Qu'on vous fait réécouter d'ailleurs maintenant tout de suite. Est-ce que tu es prêt, Kylian, à lancer la cassette et à appuyer sur play? Quel est ce titre? Est-ce que tu sais me dire des solutions que tu as peut-être pour trouver la musique? Oui. Bah écoutez, Ilar FM tous les jours. Enfin, tous les jours. Déjà... Et le titre qu'on a entendu, il est déjà passé dans le 19h-20h. Ah bah oui, oui. Je peux même vous le donner, attendez, il est. Oh la vache! À mon avis, ça, c'est la foudre qui est tombée ici, ça, je crois. Ouais, bah la taille de l'éclair, maman. Mais je pense que là, il est tombé. Ah oui, on l'entend un petit peu. Je sais pas si vous à l'antenne vous l'entendez aussi. Tu peux tendre un micro à l'extérieur, Kylian, si t'en as un. J'en ai pas. Si, il y en a un là-bas, là, tu peux en trouver un. C'est juste dingue. Allume le micro que t'as là. Et laisse-le allumer sur l'appui-fenêtre du studio, comme ça on va pouvoir. Attends, deux secondes, je te branche. Oula, merci Kylian. Kylian, tu l'as allumé au moins le micro? Montre ton micro avant de me dire oui, t'as le mauvais, bravo, félicitations. Lui il prend le seul micro qui est du studio d'à côté. Bravo Kylian. C'est bon là, il est allumé ou pas? Je pense. Voilà, on te reçoit. On me reçoit. Alors si je prends un coup de drill en direct, bah voilà. Un coup d'éclair, hein, pour ceux qui... Ah oui, oh, j'oublie tout le temps. Je laisse le micro dehors, alors c'est voilà, ça. Sur la pluie-fenêtre. Très bien, que... bah alors on va tirer la foudre, hein. c'est pas très grave. Voilà, et cale-le avec quelque chose pour éviter qu'il tombe, je ne sais pas comment, voilà, pose-le comme ça, c'est très bien. Donc si je laisse juste le micro l'allumer, vous entendez la pluie. Voilà, donc c'est sympa. Donc s'il y a le moindre éclair, on va vous passer ça en direct. Comme ça, on gagnera 3 secondes d'antenne. Bon, Kylian, dans quelques instants, on va jouer à un jeu tous les deux ensemble. Ça va être assez marrant. Mais d'abord, on va avoir Jean-Michel au téléphone, car c'est lui qui va nous faire une des news de la semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. À lancer le numéro dans le standard. Monsieur Kylian Wolfring, pouvez-vous me lancer le numéro? Je suis en train. Merci. Jean-Michel, pouvez-vous nous faire votre news de la semaine? Oui, allô? Allô? Oui? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend bien, Jean-Michel. Ah, alors, on m'a donné un petit papier, on est venu courir près de moi. Alors, c'est la première et très attendue édition de pour le mondial Rabalé du saucisson. Bon, c'est pas une blague, arrêtez de rigoler. Mais ça se passe où? Alors, ça se passe en Ardèche. Ah, mais c'est là où vous êtes? Bah, je veux pas vous sortir des infos débiles pour rien, hein. Allez. D'accord, et donc racontez-nous. Alors, ça se tient samedi et dimanche, donc bah, aujourd'hui et demain, dans le village ardéchois de Vanosk, dont le maire Yves Boulanger est fils et frère de charcutier, hein. Allez, allez, j'aime bien la saucisse, bah. Alors, l'affaire est prise très au sérieux par les organisateurs. Sur ce temps-là, si vous changez de radio, c'est pas bien grave. Vous pouvez tout simplement écouter une radio concurrente, je ne vous en voudrais pas. C'est un moment pénible et compliqué. Je suis de tout cœur avec vous. À l'image de ce qui se fait dans le vin, ils ont affiné avec soin la grille de dégustation. Dégustation. Qui aiderait le jury à récompenser le meilleur saucisson au monde parmi les 80 compétitions, hein. Je vous reçois mal, Jean-Michel. Faites court. Je vous reçois de plus en plus mal. Est-ce que vous pouvez faire court, étant donné qu'on vous reçoit mal? Les organisateurs avaient été assaillis par les... Jean-Michel! Ah oui! Est-ce que vous pouvez faire court, on vous reçoit mal? Je ne vous entends pas! Mais si, vous m'entendez, Jean-Michel! Allô? Jean-Michel! Je vais manger le saucisson, hein. Est-ce que vous avez proposé un saucisson, ah oui, vous? Bisous, hein. Mais Jean-Michel, non! Oh. Voilà, ça c'est les connexions avec l'Ardèche, bah bravo! Voilà! Jean-Michel est toujours un moment très compliqué dans cette émission qu'il faut savoir gérer, mais c'est compliqué. Kylian, je suis en train de réfléchir à un truc. Mm-hmm. Si la foudre est tombée pas loin et que j'habite dans la zone, serait-il possible qu'il soit tombé sur ma maison? Bah, sauf si t'as laissé une fenêtre ouverte. Non, non, je l'ai pas. Bah non, j'ai fermé encore. Mais non, mais j'ai deux antennes en fait. Mm-hmm. Dans le jardin, il y a de fortes chances qu'on soit plus attiré que d'autres maisons. Non, pour le nombre d'antennes qu'il y a sur les toits. Oui, c'est vrai. Non, non, mais là, je suis sûr qu'elle est tombée par loin. Par contre, quand on est venu te chercher, il y avait encore un, oui, encore un une fenêtre d'ouverte. Oui. Oh, oh oui, mince. Attends, il faut que je prévienne. Attends. Oh. Ah ouais, l'orage. Par contre, j'ai une info très importante. Enfin, bah, non, c'est en dehors de l'hôtel. Mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Mais faut que je prévienne juste que la fenêtre est restée ouverte, comme tu viens de me prévenir, et que mon chat risque de se barrer par là. Et ça, j'avais oublié. Mais tu veux prévenir qui? Les personnes qui se trouvent actuellement, j'espère, dans la maison. Mais il est au combien étage? Au troisième. J'adore. Bon. Alors, bon. Ok, donc ça c'est fait. Donc, c'est le petit point météo qu'on vous a fait ici en direct. Et donc voilà, Jean-Michel nous a parlé de son saucisson, enfin du concours de saucisson. Donc, moi je vais vous parler de la Slovaquie. Il braque une banque avec un attendrisseur à viande et se fait livrer une pizza après avoir été arrêté. Une histoire complètement dingue que je n'explique pas. Tout simplement, c'est un homme qui explique. Je n'explique pas, bah tu vois que tu expliques. Oui, mais concrètement, on peut pas expliquer, on comprend pas pourquoi la personne a fait ça. Mais oui, en fait, un homme a été arrêté ce vendredi en Slovaquie après avoir tenté de braquer une banque à l'aide d'un attendrisseur de viande et d'un couteau. Cet homme de 32 ans, chauffeur de camion employé, a pris un employé en otage et a réclamé un hélicoptère pour une voiture. C'est un cas unique apparemment selon la police et il n'avait jamais vu de tentative de braquage à l'aide d'un attendrisseur de viande. Le gars a pris ce qu'il avait sous la main. Et donc, voilà, le suspect encourt jusqu'à 12 ans de prison ferme pour avoir braqué une banque. Mais au moins, il pourra raconter un truc de drôle en prison. Ça, on peut bien lui accorder. C'est complètement dingue. Je suis juste fan. Bravo en tout cas, monsieur. Et si vous voulez passer à la radio, n'oubliez pas, c'est de 20h à 22h dans l'émission Jadoul. Voilà. Ça m'étonnerait qu'un Italien nous téléphone. Ça, je veux dire que ça. Bon, on a bien Jean-Michel. Ouais, mais lui, on sait pas ce qu'il est. Lui, bah justement, c'est ça le problème. Oh, l'orage avance. L'orage avance. Mais il est juste au-dessus de la radio. Hein. C'est juste pas rassurant parce qu'on a des antennes et tout ici. Donc, et plein de câbles partout. L'émetteur, fini. Donc si vous ne nous entendez plus, vous comprendrez pourquoi. Allez, faisons la paix, ça te va ? La paix ? La paix. La paix. Merci Kylian. Il t'a toujours me ridiculisé mes lancements, lui. La paix. Du Christ. Ah, comment on le dit en anglais ? Pex. Pex. Non, ça s'appelle Peace. Peace. Pex. Un nouveau titre. Je suis complètement fan. Le voici sur Hilar FM en direct et en exclu. I want to be happy. Je suis juste fan de ce titre. Vous pouvez noter le titre, c'est juste exceptionnel. C'est Peace de Bormain, voilà, ça s'appelle comme ça. Je suis complètement fan, mais rien que le début là, écoute. I wanna be happy. Ça entraîne, je trouve que c'est un tube de l'été. Et on va le mettre aussi sur la web radio été 2018 là. J'espère bien. Ah bah oui, c'est juste exceptionnel. Bah voilà, on vous fait découvrir des choses comme notamment le titre de Pimple Goes qu'on va vous jouer d'ici 20 minutes. Et comme ça c'est fait, on va faire maintenant en direct un happening. Kylian n'est pas du tout au courant. Non, pas du tout. Bah voilà, pas du tout. Je demande toute ta concentration. Bah je suis concentré. C'est vrai ? Oui. Ah bon, on dirait pas. Est-ce que tu te souviens d'une des émissions qu'on a faites il y a 2 semaines ? Ça dépend, il y avait quoi dedans ? Du feu. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, je m'en Alors, rappelle. Attention. Je te propose que l'on joue à quelque chose ce soir. Oui. Il nous a été dit qu'il nous restait des manchemallows. Sérieux ? Des chamallows plutôt, après l'émission qu'on avait fait à l'extérieur quand on les avait grillés sur le feu. Ils en restaient, on en a acheté trop. Et vu que la foudre est tombée sur la radio, il y a moyen qu'on refasse un barbecue. Et vu qu'ils sont périmés, je te propose que l'on joue à un jeu maintenant en direct. Oui. On doit dire Jadoul de 20h à 22h à chaque fois que l'on ajoute un manchemallow dans notre bouche, okay, jusqu'à ce qu'on arrive à saturation. Ça okay. te va ça ? Ça me va. Et à l'orage dehors qui continue à progresser, c'est assez inquiétant. Mais sur ce temps-là, nous on va continuer à jouer. On va commencer surtout à jouer. Et à manger, parce que moi, j'ai la dalle, j'ai envie de manger. Peux-tu ? Je les vois arriver, voilà, oh ils sont beaux. Voilà, je te laisse les prendre. On va jouer à ça maintenant tout de suite en direct. Attention, j'ouvre le paquet. Quelle est la phrase, Kylian, à brute nature sans rien ? Vas-y. Manger. Non, la phrase. Alors, c'est. Écoutez. Non, c'est Jadoul. De 20h à 22h. Note-le, voilà, comme ça on le sait. Jadoul, ça arrête pas de flasher dehors. Soit on est photographié par les paparazzi, ou soit il y a un problème. C'est l'orage, ça c'est vraiment impressionnant. Jadoul. Vous entendez la pluie là. 20h. Mais bon, ça, on ne sait rien y faire. 22h, c'est voilà. Tout Jadoul de 20h à 22h. Point, c'est tout. Voilà. Point. Alors vous, chez vous, par SMS, vous misez sur Kylian ou sur moi pour savoir qui va pouvoir en mettre le plus. Donc à tour de rôle, on va s'en mettre... Non. Alors déjà, on s'est mal expliqué. C'est pas ce que vous pensez. Allez, on y va, Kylian ? Oui. C'est parti. Je te laisse commencer. À toi l'honneur. Merci. Je peux l'avaler, le premier ? Non. Alors, attention, alors... Je dois le dire avant ou après ? Tu dois le dire après l'avoir mis. Ok. Jadoul. Ah, déjà. Attends, je mets sur le côté. Voilà. Jadoul de 20h à 22h. Voilà, j'en mets un aussi. Il faut le mettre sur le côté. Jadoul de 20h à 22h. Allez, le deuxième. Kylian en est à son deuxième. T'as pas un ravier pour dégueuler ? Tiens, la photo ressemble à un écureuil, attention. Jadoul de 20h à 22h. C'est quoi, échelle de dentiste avec le truc qui nous... Oui. On y va. Je mets mon deuxième. Jadoul de 20h à 22h. Ça donne envie de les manger, c'est tentant. C'est tentant. Jadoul de 20h à 22h. Kylian en est à son troisième. Je rajoute mon troisième également. T'as le doigt qui colle. En fait, on a la même technique, on entend des fonds. Jadoul de 20h à 22h. Attention. Pardon. C'est un des jeux les plus intelligents qu'on a fait cette saison. Et c'est fait rimer en plus, donc les mouffes là. Quatrième chamallow pour Kylian. Jadoul. De 20h. Je pense à un truc. Jadoul de 20h à 22h. Ok. Et je pense juste à quelque chose. Qui va prendre l'antenne une fois qu'on sera tous les deux prêts à craquer? Attends, je vais préparer un titre comme ça. Dès qu'on sera plus en mesure de prendre l'antenne, on lancera un titre. Donc Kylian a 4 chamallows en bouche. Je les bouffe pas! Mais les bouffe, non! Oh merde! Mais ça, j'ai renvoyé là-bas. Tu vas me passer un mouchoir? T'en as là! Mais ça, c'est mal au joue. Merci, c'est gentil. T'en as combien, Yann? Moi, j'en ai 3. Toi, le 4ème, hein? J'en ai 4, moi. Ouais, j'ajoute le 4ème. C'est parti. Mais je décompose. Jadoul de 20h à 22h. Voilà. À toi, à chaque. Dans le... Putain, la blague. T'en as recraché combien? 2. Voilà, j'en ai mangé 2 qui étaient dans ma bouche. J'en ai toujours actuellement 2. Je dois en rajouter un 5ème. Oui. Faut savoir que c'est compliqué parce que plus le temps avance, plus le chamallow se décompose dans la bouche et ça fait de la mousse. Ébullition très compliquée, je vous préviens. Mais il faut en avoir 5 en bouche en même temps. Ouais, donc j'ai essayé 5, bon, c'est parti en couille. Moi. En douille. Moi j'en ai toujours 2, on en a 2 chacun en bouche là en ce moment. Ah non, je les ai mangés. J'avais faim. Ok, on va faire un deuxième round et après on lance une musique et on nettoie tout ce bordel, d'accord? Oui. Explique aux auditeurs comment tu mets ton casque. Non, en fait, il est entre la vie et la mort, il est en plein milieu. Enfin, il n'est pas attaché au-dessus, donc ce qui est censé pendre au-dessus de la tête est mis sur le côté. Mais là-dessus? Je le mets au-dessus. Encore au-dessus? Un peu plus. Voilà. Il a cassé son. Voilà. Oh, mais... oh non! Oh bah non! Mon casque! C'est quand il s'est assis dessus qu'il l'a cassé. Bah bravo! Non. Voilà, on a repris nos esprits, on part pour la deuxième manche de ce jeu chamallow, je sais pas comment on l'appelle. Ça m'a dégoûté maintenant le jeu quoi. T'as dégoûté de ça? Ah ouais. Bah tant mieux. Allez, on repart, attention, deuxième manche, on rappelle que Kylian a eu 5 et moi 4. On recommence, attention, est-ce que tu es prêt Kylian? Mais non, mon casque. On s'en fout de ton casque. Allez, on continue, c'est parti, on repart dans ce jeu tout de suite. C'est le seul jingle que j'ai trouvé, d'accord? Okay. Allez, on y va. Ouais, tu commences, parce que moi je commence. Ok. Ça, je me rends dernier. Je suis dégoûté, vraiment. On y va. En plus, ils sont un peu périmés, donc c'est pas qu'ils ont mauvais goût, hein, mais c'est que on a peur qu'Ilan, tu répondras à tes gens plus tard, là. C'est les auditeurs. Ouais, bah, je m'en fous. Attention, je mets mon premier chamallow en bouche de cette deuxième manche. Donc c'est Jadoul de 20h à 22h, oublie pas. Hein. Jadoul de 20h à 22h. Bien. Il est bien dit, là. Hein. Jadoul de 20h à 22h. Deuxième. Prépare les mouchoirs. Jadoul de 20h à 22h. Hop, je prends mon deuxième. Ça tire sur les joues un peu. Hein. Tire sur les joues. On va avoir fini la radio, on aura des grosses pantoufles. On va essayer de parier parce que ça les fait mousser. Jadoul de 20h à 22h. On a combien là? Deux. On est deux. Ok. Deux et moi. Trois maintenant, je mets le troisième. N'hésite pas à meubler quand tu vois que je suis en galère. Ok. Bah, parce que sinon il y a des disques de secours. Si je meuble, ça mousse. Je peux pas meubler. Vas-y, mets son troisième, il est en train de le tasser avec son gros doigt. Voilà, il est en train de le mettre jusqu'à la glotte. Pourquoi gros doigt? Voilà. Jadoul de 20h à 22h. Jadoul de 20h à 22h. Vas-y, je mets le deuxième. Troisième. Kylian met son troisième chamallow. Je fais de la place avec la langue. C'est juste improbable. Heureusement qu'il y a des voix nettes sur les micros. Kylian. Jadoul de 20h à 22h. Putain, j'allais dire Kylian. Je vais enfiler le quatrième. Belle idée. Pour que ce soit validé, il faut dire la phrase. Hein. J'arrive pas à le bouger avec la langue. Ah, le vieux bruit dégueulasse. Jadoul de 20h à 22h. Super. Allez, je mets mon quatrième. Jadoul de 20h à 22h. C'est mousse. Ça mousse. Fais pas rire. Sinon j'arrive. Ah, oh, plein de filets. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse la vue. Il va regarder dehors, c'est mieux. Plein de... En plus, c'est marrant, ça mousse, ça fait plein de barres et puis il y a des petits filets, c'est très propre. Très, très propre. J'adore, je dois dire, c'est très propre. On a compris. Jadoul, de 20h à 22h. C'est mon cinquième. C'est mon cinquième. Thank you. moi j'ai fini. Hein. Moi j'ai perdu. Tête de secours. Mettez la musique de secours. Vite. Thomas il mousse, il bave par terre. Il y a 4 kilos de beurre sur les feuilles. J'espère que vous passez une belle soirée toujours avec nous en direct. Voilà, on a repris nos esprits, hein. On a lancé le disque comme on a pu, du moins, parce qu'on avait les doigts pleins de manchemallows. Tu me le confirmes, Kylian, si tu pouvais arrêter d'être sur Facebook pendant que l'on parle. C'était la musique. Ouais, c'est ça. Voilà, alors vas-y, j'ai coupé ton micro, mets-toi en place, parce qu'il doit se mettre en place à l'antenne, hein, c'est pas un professionnel. Avec son casque tout pété. Ça va mieux ? Ça va mieux. Ok. C'était chaud, hein. On a quand même mis jusqu'à 6 chamallows dans nos bouches. C'est juste complètement dingue. Mais toi, t'as les filets de bave qui sèchent sur ton t-shirt. Oh, c'était dégoûtant cette Il faut savoir que Kylian est n'aime pas en règle générale la bave, et surtout la sienne et comme celle des autres. Donc, même pour jeter un chewing-gum, il sait même pas prendre son chewing-gum en main parce que la bave le dégoûte. Donc, Kylian, peux-tu arrêter avec ton casque, s'il te plaît ? Mais j'ai le doigt attaché dedans. Voilà. Alors, donc, bon, expérience compliquée. 6 chamallows, c'était juste impensable. Il faut savoir qu'un chamallow, il mesure combien environ ? 4 cm sur. 4 cm, ça, non, hein. C'est 2 cm, ça. Hein. Non, hein. Et oh, tu sais pas mesurer, toi, quoi ? Bah, si, c'est pas 4 cm, t'es fou, toi ? Si, bah, si. En largeur, là, t'as au moins 3,5, 4 cm. Et en hauteur, la même chose. T'as une latte ? Bah, oui, on a des lattes ici, mais pas là. Non. Bah en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une latte dans la suite de l'émission quand on lancera une musique. Et puis comme ça, tout ira bien. Bon, c'était un peu écœurant. Je sais même plus en manger. Là, je referme le truc. J'ai même plus envie. Là, c'est dégoûté à vie. Bon, ça c'est fait. Nous allons maintenant faire encore une dernière actu, si tu le veux bien, Kylian. Ouais, allez. Je vais être gentil. Je vais dire oui. Allez, remets-toi dans l'émission par la même occasion. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Un truc complètement improbable en Haute-Garonne. C'est simple, après avoir passé 7 jours coincé dans sa statue, Abraham Poincheval en sort sonné. C'est un artiste qui a donc passé 7 jours coincé dans sa statue, représentant un homme lion au musée de l'Ourguignacien. Voilà, je connaissais même pas ce mot. Et ce vendredi, c'était le grand jour pour l'homme lion. Après 7 jours d'enfermement dans cette sculpture en mélèze, Abraham Poincheval est enfin sorti de sa cachette, et ça sous les yeux de 400 personnes présentes au musée forum de l'Ourguignacien. Voilà. Je sais toujours pas le dire. Et épuisé, donc il est sorti de cette réplique de 3,20 m de haut. Il faut être dingue quand même. Imagine, tu serais artiste, oui. Un grand créateur connu pour ses créations. Est-ce que tu serais assez dingue, assez taré pour te coincer dans un truc durant 7 jours juste pour la sculpture ? Alors, non. Personnellement, non. Maintenant, si c'est une star que je connais ou pas, oui, pour prendre des photos, tu sais, en mode paparazzi, quoi. En fait, je viens de me rendre compte en me mouchant sur le temps qu'Yann parlait que j'ai du chamallow dans le nez. Ça, c'est fait. Devant moi. Et oui, je dépose ça devant toi, il n'y a aucun souci. Voilà, si vous connaissez des choses dingues comme ça qui se sont produites peut-être dans votre entourage, eh ben, dites-le nous, car c'est juste dingue. Et donc, l'artiste français, évidemment, a fait ce que tout le monde aurait fait, je pense, à sa place. Il a couru prendre une douche en sortant de là. Ce que je trouve assez normal au bout de 7 jours coincé dans un truc un peu qui sent le renfermer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi ici chez Hilar FM. Dès qu'on a fini la radio, on va vite se laver. Oui, oui, surtout. On est enfermé ici depuis tout un week-end. C'est ça, voilà. Alors, Kylian va nous faire une petite actualité. Maintenant, ça se passe du côté de Nantes. Il se passe quoi à Nantes ? Oui, effectivement. Alors, c'est la curiosité, voilà, du jour en centre-ville de Nantes. Depuis ce vendredi matin, des dizaines de Nantais, Amy, je savais même pas qu'on disait Nantais, tiens. Si, des Nantais. Nantais, bon bah pourquoi pas. S'arrête pour admirer et prendre en photo les marches de la rue Bourplaire. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette rue? Alors cette rue, il faut dire que le grand escalier public a été repeint pendant la nuit, donc aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté homosexuelle, bisexuelle et transsexuelle. L'œuvre intitulée Les Marches de Fierté célèbre avant l'heure la Marche des Fiertés. Oui, c'est ce qu'ils viennent de dire. Voilà. Laquelle s'élancera ce samedi de la place. Bah voilà, c'était lancé en fait. Ouais. Donc, c'était aujourd'hui. Ouais. Voilà, ça s'est lancé en Bretagne. Merci Kylian d'avoir choisi cette actualité, c'est un très bon choix. Donc voilà, on vous représente aussi également, c'est important de pouvoir, pour cette communauté-là, de se montrer, de pouvoir prouver qu'ils sont là et qu'on les respecte et que les mentalités changent. Donc merci Kylian pour ce coup de cœur pour Nantes et son action LGBT. De rien, pas de souci. Voilà, c'est bien. Toujours dans cette ouverture d'esprit, on va faire quelque chose de plus léger. C'est aux États-Unis. C'est une vidéo complètement dingue qu'on vous propose de retrouver sur Internet et on va peut-être la mettre sur le site d'Hilar FM tant qu'on y est. Elle réceptionne une balle dans son verre de bière à un match de baseball. À mon avis, ça devait être la Nicole de Jean-Michel. Ça devait être elle. On va l'appeler pour savoir si c'est elle parce que ce serait quand même marrant. Allô, Jean-Michel. Allô. Non, c'est Nicole. Ah, vous êtes la femme de Jean-Michel. Oui. Vous avez pas d'accent, vous? Ah si, j'ai l'accent. Ah, pardon, j'ai pas entendu, désolé. Est-ce que c'est vous qui étiez aux États-Unis qui a réceptionné dans votre verre une balle de baseball? Ah non, c'était pas dans le verre, hein, c'était dans le visage, en plein dans l'œil, paf. Vous êtes sûr que c'était vous? Vous étiez pas aux États-Unis récemment? Attendez, j'ai l'œil gonflé, je sais bien si c'est moi ou pas, hein. Ah, c'est peut-être à cause de Jean-Michel. Non, Jean-Michel, je le vois pas, là. Il est parti au bar, picorer un petit peu et boire, hein. Dans mon article, ça dit que c'est une jeune femme de 23 ans. Vous avez menti à la presse ou c'est pas vous? Bah disons qu'ils ont peut-être pris ma petite fille avec, hein. Ok, sortez les rames. Et donc, tout le monde s'écriait cul sec en voulant que vous buviez cette... Ah non, ça c'est quand je me suis mis toute nue. On va en rester là, madame? Déjà? Oui, parce que... voilà. Et donc, la femme déclare dans l'article: j'ai toujours la balle dans mon verre, je la garderai toute ma vie. Mais non, je l'ai eu dans l'œil. J'entends le dire, hein, venez écouter. Non, c'est pas possible, hein, ça. Oui, bien. Note pour l'émission, ne jamais appeler la femme de Jean-Michel. Mais par contre, je comprends Jean-Michel maintenant, qui part sans elle. Oui, je comprends. Il est colérique. Elle est un peu tendue, quoi. Voilà, c'est pas ça, quoi. On va vous parler d'un truc complètement dingue. Dans la dernière partie de cette émission, ça se passe en Lorraine, et c'est une dame de 92 ans, donc de 92 ans, qui a fait quelque chose de complètement dingue. On vous le dira dans quelques instants. Mais... Ça va vous surprendre. Alors pour tous les Belges qui nous écoutent, y compris Jean-Michel, c'est la fête des pères en Belgique demain. Ah bon? Oui. Oh mince. J'étais même pas au courant. Ah bah voilà, bah comme ça tu mal, le sais. En période d'examen pour tous les élèves. Voilà. Bah ils leur font un beau cadeau à leurs parents, ils ne sont pas là la moitié de la journée. Bon. Tiens, le cadeau, c'est quoi? Bah mon bulletin. J'ai dit un cadeau. Non, voilà, on embrasse évidemment tous les étudiants qui nous écoutent et qui font une petite pause dans leur étude pour nous écouter. Et ça se trouve, ils sont toujours en train de réviser notre écoute. Donc, si ça se trouve, ils nous écoutent d'une oreille. Donc, oui, c'est à toi que je parle. Donc, voilà, bonne chance à toi si tu es en train de réviser tes examens. On sait que tu vas réussir, on le sait. On le sait. On le sent même. C'est dans l'air. Bon. Non, là, on sent plutôt le chamallow qui est sur ma bonnette. Donc, pour la fête des pères, quelle est la chose la plus originale que tu as faite? Moi? Oui. Ok, je repose la question. Non, est-ce que t'as déjà fait quelque chose pour... Ah oui, alors cette question-là est mieux. Oui, en maternelle, tu sais, quand tu fais des petits bricolages pour ramener, mais en primaire, non, ça m'est jamais arrivé, je crois. Et dans la vie de tous les jours, non? Non. Je n'offre jamais de cadeaux. J'attends les cadeaux. Je les offre pas dans les cadeaux. Moi, je veux dire, je suis pas doué pour les cadeaux. J'aime pas acheter des trucs sans savoir forcément les goûts de la personne ou quoi. Donc, ce que je fais, je passe un petit peu chez le fleuriste. Et c'est bon. Ben moi, le problème, c'est que tu sais, quand tu n'es pas encore rémunéré vraiment, tu ne peux pas. Enfin, j'aime pas le principe de dire tiens, je t'achète un cadeau alors que c'est l'argent de la personne. Ah, mais c'est ça le principe. À ce moment-là, tu peux en faire un. C'est le principe. Mais bon. Les petits-enfants, quand ils achètent un truc à leur mère, bah évidemment que ça vient de leur poche. Oui, mais j'aime pas le principe. C'est bête, mais... Oui, ok. Du coup, bah, c'est mieux de faire des petits bricolages ou quoi. Mais c'est juste que je me dis, allez, faire une petite peinture, une petite fleur à mon père. En peinture, je parle, bien sûr. Voilà, donc... Oh, l'orage. L'orage. Sympa. Sympa. Sympa. C'est beau. Voilà. C'est beau. D'ailleurs, si vous avez déjà des idées pour la fête des pères ou si vous voulez qu'on appelle carrément votre père maintenant. Aidez-nous. En direct, ben, appelez-nous, plus 32 49 9 15 75. On repasse à la dernière fois de la dernière fois qu'on va rebobiner cette cassette. Oui. C'est la fameuse cassette de Jadoul. Allez-vous deviner le son de la semaine ? C'est la cassette de Jadoul. Et on la met dans le lecteur, Kylian. J'appuie. Hop, et on la... Oh, merci. Non, j'ai dit j'appuie. Si tu mets pas le son de ma cassette, on ira pas. Voilà. Et on la rebobine, évidemment, sinon c'est pas drôle. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Dernière seconde pour trouver. J'espère que vous allez être nombreux à un truc. Je vois qu'il y a déjà plus d'une centaine de SMS qui sont arrivés, ce qui est exceptionnel pour notre émission. Donc c'est-à-dire que cette nouvelle séquence vous motive beaucoup et c'est le plus important pour nous, n'est-ce pas ? Et on fait d'ailleurs un gros coucou à tous ceux qui nous écoutent. Oui, d'ailleurs, j'ai même pas lu les messages. Dorian nous dit bonne soirée. Je l'ai dit à la Marseillaise, la bonne soirée, Dorian. Et nous avons, bah, la personne n'a pas signé son message, mais nous dit ah, j'adore les marshmallows. Bah, bravo. Ouais. Nous, on les adore moins maintenant. On les adorait, hein. Voilà. On les adorait, on les adore plus. On les aimait bien. Et il y a Camille qui nous dit vous êtes des dingues. Bah, merci beaucoup, Camille. Voilà. Et laissez-nous vos numéros, comme ça on vous appelle, on vous fait gagner des trucs, c'est toujours assez marrant. Donc, comment jouer à la cassette de Jadoul ? Qu'est-ce qu'on envoie et comment on fait ? Alors on envoie la cassette, on appuie sur le bouton, ça fait play. Merci. Non, alors il suffit tout simplement de donner le titre de cette musique que nous avons entendue juste avant, précédemment. Et donc vous nous contactez, vous nous donnez le titre de cette musique et vous repartez oui. Un cadeau de la boutique à Jadoul, enfin De la caverne au cadeau la de Jadoul. La caverne, voilà. Un cadeau de Jadoul. Voilà, comme ça c'est dit. Avec ici, je vois d'ailleurs derrière moi, il y a un ancien album que Thomas avait fait. Une voix pourrie, Thomas Jadoul. Une voix pourrie, voilà. C'est un album fait maison. Hein. Non, ça vient d'une précédente émission. C'était pour se marrer. Ah, vous êtes dans Jadoul, 20h, 22h. On est sur la dernière ligne droite. A tout de suite. Je suis juste fan, bravo à vous en tout cas d'avoir fait ce choix, c'est de nous écouter. Vous avez choisi l'émission qui est là et qui vous accompagne tous les samedis dans cette ambiance un petit peu... Avec joie d'ailleurs. Avec joie, mais c'est surtout ça, on ne fait que vous dire que nous sommes joyeux de vous avoir ici avec nous. C'est quand même une des... Je veux dire, on ne mesure jamais la chance qu'on a, c'est souvent quand ça s'arrête qu'on réalise qu'on a eu une chance et que voilà. Oui. Et là je veux dire que j'ai l'avantage de me rendre compte de la chance que j'ai d'être tous les samedis avec vous en direct sur l'antenne durant 2 heures, et ça crée un lien entre nous. C'est juste quelque chose que j'adore, rien que voir vos SMS défiler et pouvoir interagir avec vous, et que dans la rue ou dans le train vous me dites ah ouais bah j'écoute Jadoul 20h22h. Et vous êtes nombreux en plus. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux chaque semaine. Je ne sais pas comment vous remercier, mais ça la remercie pas alors. Ça la remercie pas. Merci. Mais ça prouve en tout cas que la vie est belle, aussi belle que toi. Et si c'est pas votre cas, eh ben tout simplement faites en sorte que ce soit une très très très bonne vie. Tout simplement avec les moyens que vous avez. Une longue et bonne vie. Une longue et bonne vie. On a l'impression qu'on fait des adieux là, on n'est pas en enterrement. Mais si, c'est la dernière partie de l'émission. Oh non. Merci. Allez, de toute façon, si on dépasse de l'émission, je vais encore me faire taper sur les doigts et on oui, va me dire. Et on me dit que c'est trop long. Donc, non. J'ai pas envie qu'on me dise ça. Ce que je te propose de faire, c'est qu'on fasse la dernière news. Oui. C'est simple. C'est en Lorraine, une dame de 92 ans, de 92 ans. C'est une arrière-grand-mère qui s'offre un saut en parachute pour son anniversaire. Elle a économisé pièce par pièce pour réaliser son rêve. Plus d'une cinquantaine de secondes de chute libre, la retraitée a complètement prouvé qu'on peut peut-être sauter à partir de 15 ans, mais il n'y a aucune limite d'âge dans l'autre sens. Donc, c'est juste dingue. Elle était accompagnée pour sauter, tu ne sais pas. Oui, elle était, ah oui. Elle était en binôme. On ne sait quand même jamais. Oui, bien sûr, évidemment. Je vois un message qui arrive et donc je dis coucou à Gabriel qui nous écoute. Gabriel, eh ben bonjour Gabriel. Bonsoir plutôt. Bonsoir, oui. Alors, donc voilà, c'est juste complètement dingue. Et il y a un an, un Anglais de 101 ans avait fait la même chose. Il a aussi sauté en parachute. Parfois, comme quoi, il y a des trucs dingues quoi, qu'on peut faire à partir de qu'on arrive à un certain âge. On se dit, ouais, bah, je suis un dingue, je vais faire ça. Est-ce que toi, tu vas sauter Oui. Est-ce que ça te dirait de sauter en parachute. En parachute. Arriver à un âge. Je t'avoue, quelqu'un m'a proposé déjà d'aller dans un parc d'attractions où il y a une fameuse attraction qui nous fait déjà une chute dans le vide de quelques secondes. Oui. Je suis déjà un petit peu paniqué. J'aime beaucoup les sensations fortes, les attractions et tout, mais j'appréhende un petit peu ce moment. Donc une fois que j'aurai testé cette attraction-là, je pourrais peut-être dire si je suis capable de sauter en parachute ou pas. Mais je suis pas quelqu'un qui a le vertige, par exemple. Mais si je suis dans un endroit où il n'y a pas des barrières suffisamment hautes ou quoi, en haut d'une église, tout en haut d'une église ou quoi, eh ben je vais me sentir mal, un petit peu dans le sens où j'ai pas de protection, donc du coup je me dirais j'ai un peu le vertige là quand même. Oui, moi c'est pareil en fait. Je sais pas. Moi même le saut en parachute, ça me donnerait envie de le faire, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça va faire bizarre. Genre quand t'es dans l'air, tu sais pas si tu vas arriver en bas, tu sais pas ce qui peut se passer en fait. Même si c'est sécurisé, tu sais pas si tu vas vraiment atterrir à tel endroit, si ça va se passer comme c'est prévu. Donc c'est parfois un peu, voilà. Et bien sûr, on va être hilar. Évidemment, une fois qu'on a sauté. Voilà, si vous avez aussi quelqu'un dans votre famille qui a essayé de faire un truc complètement dingue ou quoi, vous nous le dites, +2 49 9 15 75, on lira de toute façon tous vos messages la semaine prochaine. Et dernière chose, dernière actu qu'on avait, c'était un gros dos sur les émojis, mais en fait, comme j'ai un peu zappé et qu'au niveau temps, on est un petit peu limité et qu'on doit rendre l'antenne dans une minute, on le fera la semaine prochaine. Sans faute. Mais ce sera un gros débat sur les émojis. Préparez-vous, car on va vous appeler pour essayer de débattre de ça avec vous. Et dernière chose complètement dingue, un phare a été mis en vente, construit en 1913. C'est un phare complètement rénové qui propose un jacuzzi, une piscine, un sauna, une vue panoramique. Ah ouais, carrément. Pour 1,56 million d'euros seulement. Ça te tente? C'est en Bretagne. Hein, si ça tu me veux... tente, le prix un petit peu moins. Si tu veux investir, il n'y a pas de souci. Tu peux, mais je ne miserai pas un cent là-dessus, moi. Donc voilà. Et bien sûr, on va être hilar. Merci. Je ne l'avais pas du tout lancé, mais il est parti tout seul. C'est pas bien grave. Parce que hilar, évidemment, c'est quoi hilar? Hilar, c'est bien le nom. Bah oui. Tout comme Jadoul, évidemment, mais bon, ça, il ne l'a pas dit. Kylian, merci beaucoup pour cette émission. Bah, merci à toi de m'accueillir comme chaque samedi. Et... Voilà. Bah, tant que c'est gratuit, je peux t'accueillir tant que tu veux. Oui, c'est vrai. Quelque chose à me dire, rien du tout, le mot de la fin peut-être. Oui, retrouvez-moi dans le 19-20h et dans le 20h-22h dans une émission Jadoul. Dans 7 jours. Oui. Ok, c'est bon. Claire Chazal, qu'est-ce que vous avez à dire? Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Tout comme moi, je vous remercie de me remplir toujours de bonheur grâce à votre fidélité dans cette émission qui est là depuis maintenant presque un an. Nous nous retrouvons la semaine prochaine tout simplement en très grande forme. Et on rend l'antenne. Bonne soirée à vous.